« Goreil, Goreil !» fit celui-ci en hochant la tête. « Tu ne veux donc pas sortir de ta misère ? Écoute, je veux bien t'accorder une ultime chance. Cette nuit même, place-toi sur le chemin des trois cavaliers. Essaye d'en arrêter un. Si tu n'y parviens pas, tu resteras toute ta vie un train de misère. Il ne te faut que du courage. Ton destin est entre tes mains, insista-t-il. » Et le dieu disparut, laissant en son lieu et place une légère fumée. Le lendemain, il fit moins froid. La terre devint boueuse. Goreil, qui avait répété 100 fois les gestes nécessaires, eut peur de glisser. À minuit, arc-bouté solidement au milieu du sentier, il attendait, tous les sens en éveil. Soudain, au loin, le galop sourd des chevaux. Le premier déjà arrivait, immense, doré, effrayant. Il rayonnait sous l'éclat de la lune. Goreil écarta les bras. D'un bond prodigieux, le cavalier sauta l'obstacle et passa. Le deuxième était là. Goreil se jeta sur les rênes, mais elles glissèrent entre ses mains dans un éclair argenté. Alors, Goreil résolut de mourir plutôt que de laisser échapper le dernier cavalier. Il saisit la bride du cheval gris. Il s'y accrocha. Il s'y cramponna des ongles et des dents. Il s'y pendit de toutes ses forces. Le cavalier leva sa grande épée. Le malheureux ferma les yeux, mais ne lâcha pas les rênes. Il était emporté, traîné, secoué comme un sac de riz. Il résistait toujours. Peu à peu, l'allure du cheval gris ralentit. Goreil ouvrit les yeux. Le cavalier avait disparu. À sa place, il tenait entre ses mains une besace, emplie à ras-bord de pièces en bronze. Goreil ne posséda jamais de pièces d'or ou d'argent. Il ne fut jamais riche. Mais il eut assez de pièces en bronze pour vivre décemment. Il épousa une jeune fille, modeste et sage. Ils eurent beaucoup d'enfants. Et ils vécurent heureux. Longtemps. Longtemps. Les héros, par excellence, symbolisent le courage. Mais les criminels en ont parfois. Étrange vertu qui s'allie au mal comme au bien. Et sans qui, pourtant, les plus belles vertus ne sont que coques si grues. Les autres vertus ne sont rien. Sans le courage, dit le maître du Sechin, le zen est seulement un rêve de zen.